Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, nouvelle diffusion, Guillaume Apollinaire a volé la Joconde. Un fait divers rocambolesque mettant en scène le tableau le plus célèbre du monde et un poète, un des plus grands de la langue française, le plus attachant sans aucun doute. 21 août 1911, les gardiens du Louvre découvrent que la Joconde de Léonard de Vinci, le joyau du musée, a disparu. Branle-bas de combat, scandale. Pendant 2 ans, l'affaire va passionner l'opinion. Qui a pu faire le coup? Qui a osé? Un gardien? Un journaliste? Non, s'enflamme la presse nationaliste. C'est un coup des Juifs. C'est un coup des Boches. Non, des milliardaires américains. Et pendant 2 ans, la police va peiner lamentablement à découvrir le coupable et récupérer le tableau. Pourtant, 2 semaines après le délit, elle avait bien cru le tenir. Un étranger au nom improbable, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki, poète de surcroît, le coupable idéal. Et c'est ainsi que Guillaume Apollinaire est arrêté et conduit à la prison de la Santé le 7 septembre 1911. Pauvre Guillaume, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Bien sûr, après la peine, après la prison, la joie est revenue, comme toujours. Mais être accusé à tort et emprisonné par sa chère patrie d'adoption, la blessure sera profonde pour le poète. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Laurence Campa, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors vous êtes biographe de Guillaume Apollinaire, par ailleurs professeur de littérature française à l'université de Nanterre. Donc vous lui avez consacré, à notre ami Apollinaire, une belle biographie qui est aujourd'hui un ouvrage de référence. Apollinaire est aujourd'hui, bon c'est un peu sans conteste, hein, c'est le grand écrivain, le grand poète français du XXe siècle, c'est une chose entendue. Mais en 1911, quand notre histoire commence, qui est Guillaume Apollinaire ? Il n'est certainement pas le plus grand poète de son temps. Enfin, plus exactement, personne ne le sait. Il est connu comme poète dans les milieux littéraires parisiens, dans l'avant-garde. Mais en fait, il n'a publié qu'un seul volume de poèmes, Le Bestiaire, en 1911, justement, mais qui est un livre d'artiste fait avec Raoul Dufy, tire à très peu d'exemplaires. En fait, il est surtout connu comme journaliste et comme critique d'art, puisque depuis 1910, c'est lui qui tient la chronique quotidienne, artistique, dans l'Intransigeant, qui est un des grands journaux de l'époque. Et il est aussi connu pour être un éditeur, et un éditeur pas tout à fait comme les autres. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des rebondissements dans son histoire, puisque c'est à lui qu'on doit, en 1909, la première anthologie destinée à un public élargi de l'œuvre du Marquis de Sade, en français, ce qui n'existait pas avant lui. C'est un journaliste aussi, écotier. Oui, c'est un homme qui compte dans un milieu assez fermé, finalement, voilà, un milieu parisien, le milieu des lettres. Voilà, et pour vous donner une idée, si on regarde, par exemple, avec les lunettes, si je puis dire, du groupe de la Nouvelle Revue Française, donc de Gide et de ses amis, de la NRF, en fait, ils le connaissent à peine. Gide l'apprécie assez, mais tous les amis de Gide, Guéon, Schlumberger, etc., l'ignorent, Martin Dugard l'ignore totalement, en fait. Mais est-ce qu'il a déjà son pseudonyme? Oui, il a son pseudonyme depuis longtemps, hein, depuis 1898-99. C'est comme ça qu'il signe ses articles de critique d'art et ses autres critiques littéraires, etc. Mais le public le connaît surtout, et c'est certainement pour cela que l'affaire, justement, de la Joconde et de ce qu'on a appelé les statuettes ibériques va prendre autant d'importance, c'est parce que en fait le cubisme avec Picasso et Braque étant en plein essor, la jeune peinture est en train de révolutionner complètement le regard, la façon de représenter la figure humaine. Et donc du coup, oui, il est connu comme défenseur des cubistes et comme facteur de scandale à cause de cette peinture. Oui, donc c'est les années 1900-1910 qui sont des années d'une extraordinaire créativité pour ces artistes. On est à Paris, c'est un peu la capitale à ce moment-là. Enfin, en tout cas, pour cette période, la capitale des artistes, c'est là où tout le monde vient pour créer. C'est Picasso, vous l'avez dit, Braque, Matisse. L'Europe entière, les poètes aussi, converge vers Paris. Alors, il y en a beaucoup qui habitent là, des Polonais, des Américains, des Anglais. Parfois, ils ne font que passer. Parfois, ils s'installent à Montmartre. 1911, on est en train de passer de Montmartre à Montparnasse, donc on change aussi d'univers, de climat. Il y a toutes sortes d'artistes qui viennent à Paris parce que c'est surtout là, même s'il y a aussi Munich ou Londres, c'est surtout là que les choses se font. Et puis parce que Paris continue à être, dans l'imaginaire, pour l'Europe entière, une ville de plaisir, de joie, de liberté. Donc Paris, c'est cette espèce d'aimant, ou alors, on pourrait presque dire, à l'image de la Tour Eiffel comme phare, hein, l'endroit vers où on converge quand on veut avoir une reconnaissance artistique et quand on veut développer l'art de demain. Donc Guillaume Apollinaire cherche aussi cette reconnaissance artistique. Elle va être mise à mal par cette histoire du vol de la Joconde. Donc on imagine le choc qu'a pu représenter cette arrestation pour lui. On va se retrouver dans une trentaine de minutes, Laurence Campa. Le temps d'écouter « Guillaume Apollinaire a volé la Joconde », un texte original de Jean-Yves Le Naour, réalisé par Baptiste Guiton. Je vous en prie, restez pas debout, asseyez-vous. Allez. Nom, prénom. Je m'appelle Guillaume, Albert, Vladimir, Alexandre Apollinaire de Kostrovitsky. Eh ben, c'est un drôle de nom, ça. Âge, profession. J'ai 31 ans. Je suis écrivain et poète. Écrivain, poète. C'est pas une profession, ça. Vous êtes connu au moins ? Sous quel nom signez-vous ? Je signe Guillaume Apollinaire. Je vous connais pas. C'est pas un nom de romancier, ça. Apollinaire, ça marchera jamais. J'ai tout de même eu 4 voix au prix Goncourt l'année dernière. Hein ? Le prix Goncourt ? Je connais pas. Bon, allez, reprenons. Nationalité. Je suis polonais, mais de nationalité russe. Un métèque, j'aurais parié. Il y a que pour faire un coup pareil. Mais attendez, vous me reprochez quoi, là ? Comme si tu le savais pas, Guillaume. Et puis merde, tu ferais mieux de te mettre à table tout de suite et de nous dire où elle est. Et de qui parlez-vous ? De la Joconde, pardi. C'est toi le voleur de la Joconde. Le 21 août 1911, les gardiens du Louvre constatent que la Joconde a disparu. Durant plus de 2 ans, la police explora toutes les pistes, même les plus farfelues, pour retrouver le tableau le plus célèbre du monde. Les nationalistes accuseront l'Allemagne, l'Action française, journal antisémite, y verra la main des Juifs. D'autres pointeront du doigt les milliardaires américains, pas toujours très regardants sur la légalité de leurs acquisitions. Tous les employés du Louvre seront invités à plonger leurs doigts dans l'encre, mais la police ne parviendra jamais à reconnaître une empreinte qui ressemble un tant soit peu à celle retrouvée sur le cadre de Mona Lisa, abandonnée dans un escalier par le voleur. Avant que celui-ci ne soit identifié, ce sera en décembre 1913, une seule personne a été arrêtée par la police et emprisonnée 5 jours durant. Un certain Guillaume Apollinaire. Marie. Quand donc accepterez-vous d'être ma femme ? J'y pense, Guillaume. J'y pense. Vous ai-je déjà dit que vous étiez belle comme une de vos aquarelles ? Souvent, Guillaume, souvent. Depuis 1907, Apollinaire vit une passion dévorante pour la peintre Marie Laurencin. Un amour qui, à son grand regret, ne peut que rester platonique. En ces temps anciens, pas question en effet d'amour charnel en dehors du mariage. La mère de Marie veille au grain. Et pour elle, pas question que sa fille épouse ce poète sans le sou par-dessus le marché. Marie ? Oui ? Vous ai-je déjà dit que si vous le vouliez, toute la vie serait pareille à ce matin ? Oui, oui, même que l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Oh ! Écoutez cela, mon ami, c'est incroyable ! On a volé la Joconde ! Quoi ? Je vous dis que l'on vient de voler la Joconde ! Sans doute dans la matinée du 21 août, le jour de fermeture. Un homme habillé en blanc, en ouvrier. La nouvelle fait même la une du journal. C'est pas possible. Le salon carré est le saint des saints du musée du Louvre et Mona Lisa son joyau, le tableau le plus surveillé. Dites-moi que c'est une plaisanterie. Non, c'est bien vrai. Oh, quelle catastrophe! Votre ancien secrétaire, le Belge, là, il n'est pas dans le coup, au moins. Géry Pierret? Mais voyons, il n'est pas très honnête, c'est certain, mais il est incapable d'une chose pareille. Enfin, je crois... En êtes-vous bien sûr? Vous vous rappelez, en 1907, avant qu'il ne parte chercher fortune en Amérique, il racontait qu'il dérobait des statuettes dans la salle des antiquités phéniciennes, qui n'étaient pas surveillées. Même qu'il me disait, avant de partir commettre ses larcins, « Je vais au Louvre, madame. Il ne vous faut rien ?» Oui, je me souviens. Il m'avait proposé d'affreuses statuettes à acheter. Mais je n'ai jamais cru qu'il les avait réellement volées au Louvre. C'est un genre de mythomane, ce bonhomme. Et que sont devenues les statuettes? Vous le savez? J'ai renvoyé Géry Pierret sur Pablo. Vous savez, mon ami, le peintre espagnol. Il s'en est servi, m'a-t-il dit, pour peindre ces demoiselles d'Avignon. Picasso? Cela ne m'étonne pas qu'il ait besoin de s'inspirer de mocheté pour peindre ses horreurs. Enfin, il y en a qui n'ont pas beaucoup de goût. Hein. Marie, voyons, ne parlez pas de Pablo ainsi, c'est un génie. Vous le reconnaîtrez un jour. En 1905, quand Apollinaire travaillait pour une revue financière, le Guide du Rentier, où il s'ennuyait ferme, il s'était lié d'amitié avec un collègue, toujours tiré à quatre épingles, personnage excentrique, un certain Géry Pierret. Pas toujours très respectueux de la loi, mais plein d'esprit, il amusait Apollinaire par ses pitreries, si bien que ce dernier le prit plus tard comme secrétaire. Mais en 1907, quand Géry Pierret lui proposa d'acheter des statuettes antiques, soi-disant volées au Louvre, Apollinaire lui demanda de quitter sa maison. Géry Pierret partit faire fortune aux États-Unis et l'on n'entendit plus parler de lui. Mais en avril 1911, il revient en France avec une somme rondelette qu'il perd en un mois au champ de course. Il reprend alors le chemin du Louvre pour se servir dans ses collections si mal gardées et en tirer quelque argent. Il est hébergé un temps chez Apollinaire qui, le 21 août, le jour même du vol de la Joconde, finit par le mettre définitivement à la porte pour avoir prémédité le cambriolage d'un appartement voisin. Oui, Géry Pierret est un voyou. Mais de là à voler la Joconde quand même. D'ailleurs, je suis persuadé qu'elle n'a pas vraiment été dérobée. Enfin, qu'est-ce qu'un voleur ferait de Mona Lisa? Elle n'a pas de prix, elle est invendable, personne n'est assez fou pour l'acheter sous le manteau. Allons, fumisterie que tout cela. Je vais vous dire ce que je pense. C'est un canular, cette histoire. Vous savez, ce n'est pas le premier scandale au musée du Louvre. Il en est même coutumier. En 1906, je me souviens qu'un journaliste à court de copies y avait dérobé une pierre gravée. Un morceau de 6 kilos tout de même. L'épitaphe d'un certain Quintus Aurelius. Le lendemain, ce plumitif a écrit un article trempé dans l'acide sur le thème de nos œuvres d'art si mal gardées, avant de restituer l'Antiquité. Ah, cela a fait grand bruit. Si je me souviens de cette histoire, c'est que le journaliste terminait son article en disant que si la gabegie continuait, c'est la Joconde qui disparaîtrait la prochaine fois. Vous verrez. Mona Lisa réapparaîtra et on se moquera des conservateurs qui conservent si mal et des gardiens qui ne gardent rien. Si seulement cela pouvait les secouer un peu. En attendant, moi aussi, je vais les secouer. Je vais écrire un article dont vous me direz des nouvelles. La police n'est pas loin de penser la même chose. Le 23 août 1911, deux jours après le vol, un rapport affirme qu'il s'agit très probablement d'un canular monté par la presse. Et si Mona Lisa tarde à être restituée, c'est que l'on veut ridiculiser la police, en plus des conservateurs. Les services du préfet Lépine soupçonnent tout particulièrement Roland d'Orgelès, un Montmartrois qui n'en est pas à son coup d'essai. Une fois, il s'est laissé enfermer dans le musée pour y passer une nuit, allongé dans un sarcophage égyptien. Une autre fois, il a introduit une fausse pièce, une tête en pierre sculptée par un de ses amis, et l'a glissée sur l'étagère des antiquités grecques. Comme personne ne s'est aperçu de rien, il est revenu avec plusieurs de ses amis pour crier qu'il est scandaleux que le Louvre abrite des fausses pièces. La police s'intéresse donc de très près à ce bohème facétieux, avant finalement de le mettre hors de cause. Même si la piste d'Orgelès est abandonnée, les inspecteurs n'en démordent pas. C'est un artiste impertinent ou un journaliste qui a fait le coup. Or, Guillaume Apollinaire est à la fois artiste et journaliste. Et il a le mauvais goût de se faire remarquer. Marie ? Marie, je ne résiste pas au plaisir de vous lire mon dernier article pour l'intransigeant. Marie, vous m'écoutez ? Oui, oui, je vous écoute. J'y vais pas de main morte, hein. Écoutez plutôt. Le Louvre est le plus mal gardé de tous les musées d'Europe. Il n'y a pas même un gardien par salle. Les tableaux des salles hollandaises, par exemple, sont abandonnés aux voleurs. Les œuvres, petites ou grandes, sont simplement accrochées au mur, sans y être cadenassées, et les statuettes posées sur les étagères sans aucune garantie de sécurité. C'est le laisser-aller, l'indifférence, l'incurie. Alors, qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, mon ami, c'est que votre Géry Pierret a encore fait des siennes, et que je prie le ciel pour que cela ne nous retombe pas sur la tête. Comment cela ? Moi, j'ai lu Paris Journal ce matin. Un individu anonyme a apporté au journal des statuettes dérobées au musée. Évidemment, on l'a rétribué grassement parce qu'il y avait matière à un bel article. Et alors ? Il raconte qu'il a déjà pillé les collections phéniciennes il y a quelques années et vendu des statuettes à un peintre de ses amis. Cela ne vous rappelle rien ? Oh non. Oh, c'est Géry Pierret, c'est lui. Laissez-moi vous dire que je ne veux être mêlée ni de près ni de loin à toute cette boue. Faites en sorte de ne jamais être éclaboussé, Guillaume. Car c'est une tâche que je ne vous pardonnerai pas. Marie. Mon Dieu, que se passe-t-il ? Mais si la police remonte jusqu'à moi, je serai déshonoré, traité de complice, de voleur et que sais-je d'autre encore ? Peut-être même serai-je forcé de quitter ce pays sous la contrainte. Non, c'est pas possible. C'est au moment où l'avenir me sourit que tout me serait retiré. Et l'honneur, la gloire et l'amour. Une émotion m'étreint. Je la connais. C'est celle que j'ai connue autrefois à mes 19 ans, quand je n'avais pas de quoi payer mon hôtel à Bruxelles, et que j'ai déménagé en pleine nuit à la Cloche de Bois. J'ai été poursuivi, traîné devant les tribunaux. Heureusement, j'ai obtenu un non-lieu et sauvé mon nom, mais j'étais jeune et inconnu. Aujourd'hui, je suis un homme fait. Un homme établi, un homme comme il faut, qui fréquente le tout Paris et que le tout Paris fréquente. Le tapage peut me tuer. Il va me tuer. Et il ne faut pas qu'il me tue. Peut-être. Oui, peut-être. Y a-t-il encore un moyen d'étouffer cette ignominie dans l'œuf ? Apollinaire se précipite chez Picasso, à son atelier, le fameux bateau lavoir. Après avoir tiré le diable par la queue et mangé de la vache enragée, le peintre espagnol commence lui aussi à connaître le succès. Après sa période bleue, puis sa période rose, il a embrassé le cubisme et voit l'argent et la renommée affluer. Bronzé, reposé, il vient juste de rentrer du Roussillon, où il passait des vacances au domicile de Georges Braque, quand Guillaume Apollinaire sonne à sa porte. Tu te rends compte ? Je suis un reseller. Si la police remonte jusqu'à moi, avant, mais j'étais en prison. Et tout ça, c'est de ta faute. Ma faute ? Ma faute ? Et tu ne manques pas d'air. D'abord, j'étais pas certain qu'il avait volé les statuettes au Louvre. Et puis, t'étais pas obligé de les acheter non plus. Tu as raison. De toute façon, ça sert à rien de se lamenter sur le passé. Ça m'a coûté 50 francs. Et maintenant, ça risque de me coûter 5 ans de prison. Peut-être plus encore. Sans compter ma réputation. Et puis après, je serai expulsé sur l'Espagne. Je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Et moi aussi, ils vont m'expulser, c'est sûr. Et pourtant, ma vie est en France, je ne veux pas la quitter. On peut peut-être cacher les statuettes et tout nier. Ah, parce que tu crois que les policiers vont pas retourner tout l'appartement ? Non, il vaut mieux les faire disparaître. Pablo ? Non. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit qu'il faut s'en débarrasser. Tiens. Aide-moi. Attrape cette valise. J'ai le four dedans. À minuit, nous irons jeter la valise dans la Seine et nous serons tranquilles. Ce soir-là, Apollinaire et Picasso mangent hâtivement et sans plaisir. Puis ils attendent la nuit, sans parler, honteux, chacun sur sa chaise avec la valise devant les yeux. À minuit, ils partent, l'air sombre, se retournant souvent de peur d'être suivis. Ils avancent jusqu'au milieu d'un pont et brandissent la valise au-dessus du fleuve. Dis donc, Guillaume. Oui. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Mais je vois pas d'autre solution. Ces statuettes font partie du patrimoine de l'humanité. Ce n'est quand même pas toi, un artiste, qui va détruire une œuvre d'art. Elle a raison, Pablo. Hein? À qui parles-tu? À ma conscience. Je te dis qu'on ne peut pas faire ça, nous ne pourrions plus jamais nous regarder en face. Il faut trouver une autre solution. Et quelle autre solution? Je vais faire comme Jerry Pierret. Je vais aller trouver le directeur du Paris Journal. Je lui remettrai les statuettes sous la promesse de l'anonymat, et lui, il fera un bel article. Tout le monde sera content, et nous ne serons jamais inquiétés. Si elle nous sauve de la prison, on va pour ta solution. Le 6 septembre 1911, Apollinaire se rend donc au bureau d'Étienne Chichet, le directeur de Paris Journal, un quotidien qu'il connaît bien puisqu'il y écrit de temps à autre. Avec un air de conspirateur, il lui remet les objets du délit en lui racontant brièvement l'histoire. Alors que le poète s'esquive, Chichet convoque immédiatement un conservateur du musée du Louvre qui authentifie les fameuses statuettes et avoue piteusement que personne n'avait signalé leur disparition depuis 1907. Le lendemain, Paris Journal publie donc un nouvel article incendiaire qui s'en prend une fois de plus à la gestion calamiteuse du premier des musées français, une catastrophe que le vol de la Joconde a mis subitement en lumière. Les conservateurs ne sont pas les seuls à grincer des dents. La police s'énerve également de tout ce chambard journalistique et de ce feuilleton qui n'en finit pas de statuettes dérobées et restituées. Et comme elle n'a pas de piste, la police se prend à croire que peut-être le voleur de la Joconde est un plaisantin, un journaliste ou un auteur facétieux proche de Paris Journal qui fait monter la pression pour mieux vendre du papier. Étienne Chichet, convoqué par la police, refuse de dévoiler l'identité de l'homme qui lui a rapporté les statuettes. En attendant, les inspecteurs rôdent autour de l'immeuble. « En ce moment, nous sommes mieux gardés à Paris Journal que Mona Lisa au Louvre », plaisantent les journalistes. Le 7 septembre, le nom d'Apollinaire remonte jusqu'à la police. Son dossier ayant disparu des archives de l'instruction judiciaire, on ne sait pas au juste qui l'a dénoncé. Toujours est-il que dans la soirée, les souliers cloutés résonnent dans l'escalier du 37 rue Gros à Auteuil. Le domicile d'Apollinaire est perquisitionné et le poète, menotté, conduit dans les locaux de la police. Mais puisque je vous dis que j'ai rien à voir avec le vol de la Joconde... Bon, c'est pas la peine de nous enfumer. Tu nous dis tout ce que tu sais, et vite. Bon, c'est vrai. Je le reconnais. C'est moi qui ai rapporté à Paris Journal les statuettes dérobées au Louvre. Mais j'ignorais qu'elles y avaient été volées. Et dès que je l'ai su, j'ai voulu réparer cette mauvaise action en allant les chercher chez un ami peintre qui en avait fait l'acquisition en toute bonne foi. Ben voyons. Allez, parle-nous de la Joconde maintenant. Mais puisque je vous dis que je sais rien du vol de la Joconde... Et l'homme qui a rapporté avant toi à Paris Journal des antiquités subtilisées au Louvre, tu le connais pas peut-être? Ouais. Ouais, je le connais. Mais permettez-moi de ne pas vous révéler son nom. Je ne voudrais pas m'abaisser à ça. Bon, oh, monsieur a des scrupules. Il est ami avec des canailles, il en est peut-être une lui-même, mais il joue aux hommes d'honneur. Et puis je m'en moque de tes histoires de statuettes. Ce que je veux, c'est la Joconde. Alors où elle est? Où tu l'as planquée? C'est tes copains qui ont fait le coup? Allez, parle et t'en seras tenu compte. Mais puisque je vous dis que je sais rien du vol de la Joconde... Tu veux jouer au plus malin, hein? Alors je vais t'inculper de complicité de recel et je t'envoie coucher à la santé. Ça te donnera un peu de plomb dans la tête. Et peut-être que demain, tu voudras enfin me parler de la Joconde. Mais puisque je vous dis que je sais rien du vol de la Joconde... Dès que la lourde porte de la santé s'est refermée derrière moi, j'ai eu une impression de mort. Il me semble que désormais, je suis dans un lieu situé hors de notre terre, et que je vais m'anéantir. Un gardien m'a fait prendre mon fourniment, une grosse chemise, une serviette, une paire de draps et une couverture de laine. Puis, à travers des couloirs interminables, on m'a amené devant ma cellule, la 15e de la 11e division. Et là, j'ai dû me mettre nu dans le corridor. On m'a fouillé. Puis on m'a enfermé. Je ne dors que fort peu à cause de la lumière électrique qui éclaire toute la nuit les cellules. On sait ce que c'est la vie dans une prison. Purgatoire d'ennui, ces jours où vous êtes seul et cependant constamment épié. Durant les 5 jours que dure son emprisonnement, Apollinaire ne perd pas tout à fait son temps. Ce bon vivant, qui aime la bonne chère, a l'autorisation de se faire livrer ses repas d'un restaurant voisin, mais il n'en abuse pas. Sa seule gourmandise est d'acheter du pain blanc. Il fume la pipe, se promène solitaire, les épaules voûtées, dans la cour de la prison. Il voudrait lire pour passer le temps, mais le règlement de la bibliothèque carcérale ne lui accorde pas plus d'un livre par semaine. Par défaut, il choisit la Carteronne du capitaine Main Reed qu'il relit deux fois. Et il compose. Le directeur de la santé lui a en effet généreusement laissé de l'encre, une plume et un peu de papier. De quoi faire le bonheur d'Apollinaire qui écrit 5 poèmes en prison, marqués par l'affliction, la tristesse et l'abattement. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule. Guillaume, qu'es-tu devenu ? Non, je ne me sens plus là, moi-même. Je suis le 15 de la 11e. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournant toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Avec les clés qu'il fait teinter, que le geôlier aille et revienne. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Que je m'ennuie entre ces murs tout nus, épeints de couleurs pâles. Une mouche sur le papier à pas menus parcourt mes lignes inégales. Que lentement passent les heures, comme passe un enterrement. Tu pleureras l'heure où tu pleures, qui passera trop vitement, comme passent toutes les heures. J'écoute les bruits de la ville, et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Je suis heureux de vous annoncer que dans l'affaire de la Joconde, nous tenons enfin une piste. Grâce aux efforts de notre police implacable, sous les ordres du préfet, M. Lépine, nous avons arrêté un russo-polonais dont tout porte à croire qu'il s'agit du voleur ou tout au moins du receleur du chef-d'œuvre. L'individu en question, qui n'a pu faire état d'aucune profession avérée, est probablement à la tête d'un réseau cosmopolite dont la principale occupation consiste à dévaliser nos musées. Si la perquisition à son domicile n'a rien donné, il est déjà établi qu'il est mêlé de près au vol des statuettes phéniciennes qui viennent de réintégrer leur collection. Patience donc, messieurs, je vous le promets. Dans peu de temps, Mona Lisa retrouvera le chemin du salon carré en dépit des détrousseurs d'œuvres d'art que nous placerons sans pitié derrière les verrous. Messieurs, je vous remercie. Tes conseils ? T'es prêt à nous dire ce que tu sais ? Je vous jure que je ne sais rien. Je suis un poète, un homme de lettres, je ne suis pas un voleur. Ah ouais, je connais la rengaine. Hein. Mais je vais te présenter quelqu'un, et peut-être que ta langue se déliera. C'est un peintre, un espagnol, un étranger lui aussi, comme par hasard. Et je pense que vous avez dû fricoter quelque chose ensemble. Ton ancien secrétaire était belge, je crois. Décidément, dans cette affaire, il n'y a que des rastaquaires. Le récit de cette confrontation entre Picasso et Apollinaire n'est pas consigné dans le dossier d'instruction conservé aux Archives nationales, mais Pablo Picasso, bien plus tard, dans une interview de 1959, en donnera une version. Je les vois encore, avec ses menottes et son air de gros garçon placide. Il m'a souri en entrant, mais je n'ai pas bronché lorsque le commissaire m'a demandé « Connaissez-vous ce monsieur ?» Alors une peur terrible m'a possédé et sans savoir ce que je disais, j'ai répondu « J'ai jamais vu cet homme-là ». À ce moment, le sourire de Guillaume s'est figé. J'ai vu sa tête s'est pétrifiée. Le sang se retirait de son visage. Lui qui avait tant besoin de soutien venait d'être trahi par son ami. Je ne me le pardonnerai jamais. En attendant, la police déchante. Car l'enquête est bien forcée de convenir que Guillaume Apollinaire n'est ni un farceur, ni un mafieux à la tête d'un réseau de cambrioleurs d'œuvres d'art. Son seul tort est d'avoir eu pour secrétaire Géry Pierret, qui de toute façon n'a pas volé la Joconde, mais des statuettes phéniciennes. De sa cavale, justement, Géry Pierret écrit à Paris Journal le 9 septembre pour disculper son ancien patron et ami. « Je m'en voudrais, dit-il, de ne pas mettre les choses au point au moment où un artiste se voit inquiété, au mépris de toute justice, pour des faits qui lui furent longtemps inconnus et qui, lorsqu'il en eut connaissance, furent la cause de notre rupture. » En un mot, au lieu de marcher sur la piste de la Joconde, la police s'est totalement fourvoyée. La petite semaine de prison d'Apollinaire soulève d'ailleurs un vif scandale dans le milieu littéraire qui prend fait et cause pour le poète accusé à tort. Dans la cellule où il se désespère, les échos de cette révolte des intellectuels lui parviennent par l'intermédiaire de son avocat, Maître Toussaint Lucas. Maître, comme je suis content de vous voir. Je suis à bout, regardez l'état de déchéance qui est le mien. Allons, monsieur Apollinaire, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Vous ne moisirez pas longtemps ici, vous pouvez me croire. Je vous apporte d'ailleurs de bonnes nouvelles. Tenez, c'est la presse du matin. Voilà comment l'on parle de votre arrestation. La gaffe, ça, c'est la une de Paris Journal. Arrestation arbitraire, ça, c'est le titre de l'Humanité. Stupeur et indignation, pour l'Ouest éclair. Et la Renaissance contemporaine parle même du chaos policier qui fait que l'on arrête d'éminents artistes à défaut du voleur de la Joconde. Cela fait grand bruit, vous savez. Ah, maître, vous êtes le rayon de soleil qui passait entre les barreaux. Mais avez-vous des nouvelles de Marie ? Elle ne m'a pas écrit et... Non, je n'ai malheureusement pas pu rencontrer votre compagne. Mais sachez que tout ce que Paris compte d'hommes de lettres se mobilise et part au combat pour obtenir votre élargissement. Une pétition a été lancée. Écoutez, un scandale vient d'être commis. L'arrestation de Guillaume Apollinaire, qui, sans atteindre à son honneur, met en péril la dignité des écrivains. La cause de notre camarade est assez claire pour qu'il soit relâché dans les 24 heures. Une pétition, mais qui l'a signée ? Mais des auteurs illustres, des peintres, des artistes, des dizaines et des dizaines de dizaines. Octave Mirbeau, Roland d'Orgelès, Fernand Léger, Max Jacob, Félix Métainier, Paul Léoto, il y en a tant, je ne peux pas tous vous les citer. Je ne savais pas que j'avais tant d'amis. C'est l'union sacrée, de droite comme de gauche. Tout le monde signe la pétition. Rémy de Gourmont, voilà ce qu'il dit de vous. Je le considère comme un parfait honnête homme, un probe écrivain, un vrai gentilhomme des lettres. Et Octave Mirbeau, je tiens M. Apollinaire en haute estime. Quant à Elimir Bourges, il fait part de sa stupéfaction. C'est un si honnête garçon, un ami si sûr et si généreux que je le considère comme absolument incapable de commettre la moindre indélicatesse. Voilà ce qu'il écrit. Alors, mon ami, rassurez-vous, tout cela ne sera bientôt plus qu'un cauchemar à oublier au plus vite. Mon avocat avait raison. Le 12 septembre 1911, après 5 jours et 5 nuits passées dans ma geôle sordide, sur les murs de laquelle je pouvais lire les graffitis obscènes d'un certain Dédé de Ménilmontant, condamné pour meurtre, je fus appelé par le juge d'instruction Drioux. Ma joie ne fut pas sans mélange. J'étais attendu au palais de justice par une 50aine de journalistes et de photographes qui immortalisèrent l'événement. Un poète menotté à un roussin, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le policier souriait comme si c'était lui le héros de cette fête. Et moi, je m'efforçais de dissimuler mes menottes avec mon canotier, épouvanté de cette atroce publicité qui paraîtrait quelques heures plus tard dans la presse. Ah oui, je m'en souviendrai du vol de la Joconde. Il me restait à affronter une dernière épreuve. Celle que je pressentais depuis le début du drame. Marie ? Ma chérie, qu'est-ce que vous faites ? Vous le voyez, Guillaume. J'emporte mes affaires et je ne veux plus avoir affaire à vous. Mais je suis innocent. Je suis une victime. Vous n'allez pas m'abandonner à l'heure où j'ai tant besoin de vous. Ma mère ne vous appréciait guère. Elle vous voyait comme un saltimbanque. Mais depuis tout ce raffut, elle s'oppose absolument à ce que je vous fréquente plus avant. C'est quand même pas votre mère qui va vous dicter vos sentiments. S'il vous plaît, Marie. C'est terminé, Guillaume. Je ne peux plus vous épouser. Vous n'aviez qu'à ne pas faire les gros titres à la rubrique criminelle. Marie. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va. Comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit. Sonne l'heure. Les jours s'en vont. Je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. On finira par retrouver la Joconde en décembre 1913 dans une chambre d'hôtel de Florence. C'est un ouvrier italien, ayant autrefois travaillé au Louvre comme vitrier, un certain Vincenzo Perugia, qui avait fait le coup. Pour sa défense, il affirmera qu'il avait voulu rendre à sa patrie un chef-d'œuvre volé par Napoléon. Il ignorait que la Joconde n'a jamais été volée, mais achetée à Léonard de Vinci par François Ier pour la somme rondelette de 4000 écus d'or. En agitant le drapeau du patriotisme, Vincenzo Perugia n'écopera que d'une peine limitée de la part de la justice italienne, un an de prison. L'ironie, c'est que le seul emprisonné de l'histoire, en France, fut un artiste, le poète Guillaume Apollinaire. Il n'avait rien volé, rien recelé, pas même les statuettes phéniciennes qui devaient briser son amitié avec Picasso et casser sa relation avec Marie Laurencin. Je n'en suis pas sorti indemne. Je n'ai jamais accepté cette humiliation qui m'est restée en travers de la gorge. Quand quelqu'un me demande comment va la santé, j'ai toujours l'impression qu'il se moque de moi. Je me souviens du flot d'acide répandu par les journaux d'extrême droite sur le juif errant, le métèque polonais, l'artiste dégénéré. Et j'ai depuis cette peur permanente d'être un jour expulsé du pays qui est devenu le mien. Quelques mois seulement après cette triste affaire, je me suis adressé à mon avocat pour connaître les démarches à suivre pour me faire naturaliser. Et quoi ? Je suis français, moi. Je n'ai peut-être pas de sang français dans les veines, mais mon cœur, mon cerveau, ma langue sont français. Et vous ? Qu'avez-vous fait pour être français ? Vous vous êtes donné la peine de naître. Moi, je suis plus français que vous parce que je l'ai décidé, parce que je l'ai voulu, parce que je bénis la langue française quand vous, vous la violentez. La guerre de 1914 donnera à Guillaume Apollinaire l'occasion de prouver son amour pour sa patrie d'adoption. Il avait à cœur de prouver que lui, l'écrivain polonais apatride, était prêt à mourir à l'appel de la France. Engagé dans la Légion étrangère, blessé à la tête en 1916, il est finalement emporté par la grippe espagnole le 9 novembre 1918, deux jours avant l'armistice. L'enterrement eut lieu alors que les Parisiens, heureux et avinés, chantaient la fin de la guerre. « Ah, il fallait pas, Guillaume. Ah, il fallait pas y aller. » C'est de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, dont parle la foule en liesse. Picasso, plein de remords, devenu un peintre renommé, vendra une de ses toiles en 1924 pour faire bâtir un petit monument sur la tombe de Guillaume, au Père-Lachaise, et honorer dans la mort l'ami perdu, celui que le vol de la Joconde lui avait ravi. De cette triste histoire, il reste un poème, celui d'un homme désolé et meurtri, celui que Guillaume Apollinaire a composé entre les quatre murs de la prison de la Santé. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule ! Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le Lazare entrant dans la tombe, au lieu d'en sortir comme il fit. Adieu ! Adieu, chantante ronde, ô mes années, ô jeune fille. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, cher réseau. Apollinaire a volé la Joconde, un texte de Jean-Yves Le Naour avec Nicolas Gonzalez, Guillaume Apollinaire, Flora Brunier, Marie-Laurencin, Philippe Canales, Pablo Picasso, Christophe Gozeran, Maître Toussaint Lucas et Christophe Raymond, le commissaire de police. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Olivier Dupré et Élodie Royer, assistante à la réalisation Lise-Marie Barré, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Guillaume Apollinaire avec Laurence Campa. La côte en haut de la ville est avare en nombre l'été. C'est la rend indocile. Il faut une raison pour y aller. Raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole. L'air de ne pas y toucher, mais le moindre bruissement l'affole, le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire, c'est ce que ce sont. C'est divisé aux volets bleus et entrouverts, aux vélos verts, à ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour. Batlick, l'art de la défaite sur France Inter, un disque choisi par Thierry Dupin, autant on emporte l'histoire, est réalisé par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, à la technique Vincent Godard. Laurence Campa, pauvre Guillaume Apollinaire, n'est-ce pas, hein, il a eu chaud. Soupçonné du vol de la Joconde en 1911, arrêté, menotté, enfermé 5 jours et 5 nuits à la Santé. Apollinaire, qui, nous le savons, n'a que quelques années encore à vivre. Il mourra en 1918, 2 jours avant l'armistice, de la grippe espagnole et des suites de ses blessures à la guerre. Il n'avait que 38 ans. D'après vous, Laurence Campa, est-ce que l'épisode du vol de la Joconde a été un tournant dans sa vie, dans sa brève vie? En tout cas, l'incident a certainement ranimé en lui de vieilles angoisses. Parce que c'est quand même un poète qui est d'origine obscure, qui naît par hasard à Rome, de père inconnu. Sa mère est à moitié italienne, à moitié polonaise, mais d'une partie de la Pologne qui appartient à la Russie. Il va se retrouver un peu plus, quand il est jeune, sur la Côte d'Azur, ensuite un petit peu à Lyon, il va passer par la Belgique, ils vont finir par s'installer à Paris. Donc, une mère pas très stable. Hein. Une mère pas très stable, qui est en fait une joueuse, une demi-mondaine, une femme entretenue, une femme qui a elle-même eu quelques démêlés parfois avec la justice. Et du coup, il a toujours en fait eu craint finalement cette espèce d'instabilité. À la fois il cultive les marges et en même temps il a un désir aussi de respectabilité. Et finalement, au moment où il devient ce chroniqueur attitré de l'intransigeant, donc chroniqueur artistique reconnu, au moment où il est en train d'essayer de finir ce qui va devenir Alcool, même s'il est encore un peu tôt, il travaille beaucoup sur ce recueil poétique dans lequel il croit beaucoup, qui s'appelle Encore au devis. Qui sera publié en 1913. Qui sera publié en 1913. Et comme la fiction le rappelait, il a eu quelques voix au prix Goncourt pour un recueil de contes qui s'appelle « L'Hérésiarque et compagnie ». Donc, il a quand même une renommée qui est en train de s'installer. Et c'est au moment où, justement, les choses commencent à se stabiliser un peu, que ça dégringole à nouveau. Ça recommencera en 1914, justement. Donc, ça lui rappelle qu'il n'est pas français. Ça lui rappelle aussi qu'il est d'origine obscure. Ça l'inquiète énormément. Mais on ne peut pas dire non plus que ça a été vraiment absolument majeur pour la suite. Ça n'a pas été déterminant dans sa vie et dans ses choix. Lui seul peut le dire, mais de ce qu'on peut savoir, de ce qu'on peut imaginer, en tout cas, on ne passe pas directement de cette incarcération à l'engagement dans la Grande Guerre. Il y a encore tout un autre chemin à faire. Quand il était jeune, enfin il était très jeune, il avait 19 ans, il était il avait vécu un épisode assez traumatisant quand même, quand il était dans un hôtel en Belgique. Oui, sa mère était à Paris. Voilà. Donc, sa mère, en fait, était partie au casino à Spa, et puis a laissé ses deux enfants, qui étaient encore mineurs, dans un petit hôtel des Ardennes belges à côté de Spa, dans une petite ville qui s'appelle Stavelot, et elle était repartie. En effet, en les laissant, sans rien leur donner, justement, pour vivre. Et un jour, elle leur a écrit... Pas d'argent pour payer la chambre d'hôtel. Voilà. Elle leur a écrit en leur disant, maintenant, vous rentrez à Paris. Elle leur a donné, elle leur a envoyé l'argent du voyage, mais elle n'a pas envoyé l'argent de la pension. Ils sont restés 2 mois, pratiquement. Donc, ils sont partis nuitamment, comme on disait naguère. À la cloche de bois. En quelque sorte, avec leur mal sur le dos. Pour ne pas prendre le train à Stavelot, ils ont fait plusieurs kilomètres pour aller prendre le train un petit peu plus loin. Ils sont rentrés à Paris. Évidemment, l'hôtelier a porté plainte. Lui-même s'est défendu en disant qu'il était mineur et qu'il obéissait à sa mère. Sa mère a dit qu'elle essaierait de rembourser et qu'elle n'avait pas les moyens et qu'il fallait bien faire quelque chose. Ça s'est fini par un non-lieu, finalement. Et ironie de l'histoire, l'endroit est devenu un petit peu légendaire, un petit peu mythique. Mais il a dû avoir peur quand même, Apollinaire, à ce moment-là. C'est vrai que ça a peut-être laissé des traces aussi, une mère si peu rassurante. Oui, en même temps très aimante, très autoritaire. Ouais. Je crois que les choses sont assez compliquées finalement. C'est une autre époque aussi. Oui, et puis bon, elle les a quand même élevées toute seule. Ce qui n'était pas facile. Ouais. Et je pense que de ce point de vue-là, dans les témoignages qu'on a en tout cas de lui-même, on peut dire qu'il lui en a toujours été reconnaissant. Mais il a eu l'habitude de fréquenter des gens qui étaient toujours un petit peu en marge justement de la société. En tout cas, il entend des insultes à son endroit, le fait qu'il soit étranger. A peut-être aussi amené la police plus facilement à le condamner. S'il avait été français, peut-être qu'il n'aurait pas eu cet emprisonnement aussi rapide. Je crois que c'est plutôt, et Jean-Yves Le Naou le rappelle très bien dans son livre, en fait il y avait eu énormément déjà de vols, de déprédations au Louvre, qu'il y avait aussi des bandes de malfaiteurs organisées, parce que les journalistes, de toute façon, avaient aussi déjà dénoncé l'incurie du Louvre, avaient aussi dérobé des choses et les avaient rendues par Paris Journal. Donc en fait, c'est une histoire de journalistes. Et il faut se souvenir aussi qu'on est allé à l'époque où Arsène Lupin et Fantomas, hein, qui sont des romans feuilletons extrêmement importants et populaires, sont vraiment extrêmement lus et appréciés d'ailleurs par Apollinaire lui-même. Donc on se retrouve en fait, c'est ça qui me semble le plus intéressant, dans une sorte d'imbrication entre la réalité et la fiction. Parce que Géry Pierret, quand il va, entre guillemets, se dénoncer, il va faire le fanfaron auprès de Paris Journal pour essayer de récupérer de l'argent, se présente sous les traits, en fait, d'un personnage de fiction d'Apollinaire, de l'Hérésiarque et compagnie. Ah oui, là on est vraiment dans la fiction. Oui, c'est-à-dire qu'en fait Apollinaire s'est inspiré de lui pour créer le baron d'Ormezan, mais Géry Pierret s'est mis à ressembler à son modèle, si je puis dire, ou à aller encore plus loin, et à faire coïncider la fiction et la réalité. Mais ils vivaient tous, hein, que ce soit Apollinaire et ses amis, dans l'idée, Alfred Jarry c'est pareil, qu'il n'y avait plus de frontières finalement entre la vie et l'art. Donc il ne faut pas s'étonner aussi que les choses débordent, finalement. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on l'attache toujours au vol de la Joconde ? Ça, je me suis posé la question, du coup, à l'occasion de cette émission. Alors que ce n'est pas une histoire de Joconde, puisque c'est une histoire non pas de statuettes, car ce ne sont pas des statuettes, mais des têtes ibériques et non pas phéniciennes. On a gardé ça dans l'esprit, comme dans la mémoire, comme justement l'histoire des statuettes et du vol de la Joconde. Moi, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur notre imaginaire, plus que sur lui-même, en fait. Pourquoi? Parce que justement, il est critique d'art. Parce que la Joconde, c'est un grand tableau classique, absolument admiré de partout, et que lui, pendant ce temps-là, il défend un art où, qui rompt complètement, justement, avec la perception rétinienne. On est dans une renaissance artistique où on va complètement géométriser les lignes, casser les habitudes. Et donc, la Joconde représente un peu et voilà, cette habitude. Représente un petit peu justement la genèse de l'art occidental avec la perspective linéaire. Et donc le cubisme casse ça, finalement. Donc je me demande si au fond, inconsciemment, si je puis m'exprimer ainsi, on n'a pas attaché le nom d'Apollinaire à celui de la Joconde aussi parce qu'il a été défenseur du cubisme et parce qu'après, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est la Joconde à moustache de Duchamp. Oui, c'est vrai. Et pour finir, ces fameuses statuettes, ou plutôt ces têtes ibériques, étaient dans l'atelier de Picasso, au moment où Picasso travaillait sur les Demoiselles d'Avignon. 1907, et donc la géométrisation des formes et la révolution que représentent les Demoiselles d'Avignon, elles viennent à la fois de Cézanne, elles viennent de l'art nègre aussi, qui casse complètement aussi notre façon de regarder les choses, et elles viennent aussi de ces fameuses têtes que Géry avait dérobées au Louvre. Finalement, il a bien fait de voler ses têtes. D'une certaine manière, oui, tant mieux pour l'art moderne. On est entre nous. En 1914, donc quand la guerre va éclater, Guillaume Apollinaire désire s'engager, il va s'engager dans la Légion étrangère, il sera blessé. Il s'engage dans un régiment français. C'est Blaise Cendrars qui s'engage dans la Légion étrangère. Et ça change tout, parce qu'en fait, il demande la nationalité française pour bénéficier de la loi du 5 août 14, qui facilite la naturalisation pour tous ceux qui s'engagent dans l'armée française. Il veut être dans un régiment français. Et donc, il va mourir de la grippe espagnole et des suites aussi de ses blessures à la tête, donc puisqu'il a été blessé en 1916. Merci beaucoup, Laurence Campa. Je recommande la lecture de quelques livres. D'abord, bien sûr, la magnifique biographie que vous avez consacrée au poète Guillaume Apollinaire, c'est le titre, tout simplement, chez Gallimard, et le livre de Jean-Yves Naour, « Qui a volé la Joconde ?», publié chez Écho Vendémiaire. Et nous nous quittons tout de suite en entendant la vraie voix, la voix de Guillaume Apollinaire enregistrée en 1913. Sous nos ponts, Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-ils qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le front de nos bras passent. Les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. N'hésitez pas à réagir sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à l'aventure au temps violent de l'esclavage et des pirates. En 1687, un Anglais évadé de la Barbade échoue sur une île perdue des Caraïbes où, se nourrissant de poissons et de tortues de mer, il va tenter de survivre. Les aventures de Henry Pittman, le premier Robinson Crusoe, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.